Voilà, c'est l'intempestive. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? La voiture s'est arrêtée à l'entrée du sous-bois. Par ici, ce chemin est le seul praticable. Trois silhouettes descendent du véhicule, chargées d'appareils divers. Un bref regard aux alentours, un moment de silence, rien à signaler. Les silhouettes s'enfoncent dans les sous-bois, dans le sous-bois. La voiture est abandonnée au milieu du chemin, où elle empêche toute pénétration d'un autre véhicule. Après quelques minutes de marche, le sommet d'une butte est atteint. On installe une sorte de parapluie sans toile, une antenne. Elle est reliée à un petit émetteur de 25 watts, branché sur une batterie. Il faut encore connecter un lecteur de cassette, faire quelques réglages et c'est prêt. L'émission peut commencer. L'émission peut commencer. Radio verte. Ça, c'est voilà, de radio verte. Radio libre, radio de combat. C'était début décembre, au beau milieu d'un long événement organisé autour des radios libres dans plusieurs lieux de Bruxelles. Radio Panique et Radio Campus Bruxelles avaient décidé de fêter ainsi les 30 ans de celles qu'on appelait maintenant en France les radios associatives non commerciales et en Belgique les radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Alors ça c'est une affiche qui annonce une rock party. On dit une rock ou un rock? Un rock party. J'ai tendance à féminiser. On était quelques-uns venus de France ou d'Italie là, pour l'occasion. C'est Radio Campus, Marie-Pascal, Cédric 104.3. Et Guillaume de Radio Zinzine, Donata en fait, de Radio Chita Futura, Joël de Fréquence Paris Pluriel, Clément magique. Qui revenait tout juste de la radio La Colifata, faite par et pour les patients de l'hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires, Yéter et moi de Radio Galère. Là, il se vante un petit peu, Sophie de Radio Panique nous avait d'abord fait visiter une exposition autour des radios libres qu'elle avait organisée. Là, il y a une affiche de 1984. Donc, ça marche. Ça marche, oui. Hein. Ce lieu, il a été ouvert quand? Le lieu où on est actuellement aujourd'hui? Ah, Bruxelles nous appartient, donc ouais. Ça fait 10 ans que ça existe. Ouais. Et il y a effectivement eu plusieurs liens entre Bruxelles nous appartient et les radios. Dans le sens donc où Bruxelles nous appartient, a un but social et culturel qui est d'archiver des témoignages d'habitants sur la ville de Bruxelles. Et donc voilà, là on peut voir un mur rempli de CD. C'est une plateforme d'archives radiophoniques, enfin en tout cas sonore. Radiophonique, ça après, c'est à voir. Mais effectivement, c'est une plateforme accessible sur Internet. Si vous allez sur le site BNABOT, donc BNA-BBOT, vous aurez accès à cette plateforme. Vous pouvez l'entendre. C'est libre de droit. Et donc, on y entend quoi? Des paroles d'habitants ou de... Voilà, oui, oui, alors on entend autant en flamand qu'en français des expériences. Enfin, par exemple, c'est des gens qui... Bruxelles nous appartient, leur donne un petit enregistreur numérique et puis il y a des rencontres, ils organisent des événements. L'idée, c'est de faire se rencontrer aussi des générations différentes parce que c'est très lié au témoignage et à l'archivage. Et donc, l'archivage d'expériences et donc comment est-ce qu'on peut se réapproprier l'expérience des autres, l'histoire. Ouais. Mais pour, juste parce que comme il n'y a pas d'image, les gens ne voient pas, mais il y a par terre tout un tas de... une dizaine de petites cassettes où il y a du matériel d'enregistrement. Ah, donc ouais. Les gens peuvent venir prendre ce matériel, et c'est pour donner des idées à d'autres, parce que je trouve ça intelligent, venir prendre du matériel, repartir, aller faire leur reportage, et puis après... améliorer la banque sonore, alimenter voilà c'est la banque que je cherchais. Ouais. Puis après effectivement c'est tout un autre travail d'archivage, mais bon ça mais c'est de après écrire des métadonnées donc sur tous ces sons qu'on rentre, après comment archiver tous ces sons, c'est aussi un énorme travail, à quel thème ça se rapporte, ça c'est sûr que... Et voilà, ça y est, Terre qui fait le souk. T'as vu qu'on allait bombarder le micro? Ouais. Ah là là, ma pauvre. Ouais. T'as vu ça? Quatre micros, quoi. Elle recule tout doucement, tu sais. Si t'as remarqué, mon YouTube est dans le coin. Radio Fouron Wallonie. J'aime bien les noms ici en Belgique. Alors attends, c'est quoi les noms? Radio Wewe. Où est-ce que tu vas? Donc en fait, l'idée de faire une exposition, elle est venue un peu naturellement, je dirais. C'est quand j'ai rencontré plusieurs personnes des Radio Libres pour commencer cette programmation. En fait, je suis tombée sur Guy Stukens, qui est à Radio Air Libre. Toujours, il fait toujours deux émissions par semaine sur Radio Air Libre. Et donc, j'avais vu son nom réapparaître plusieurs fois dans les archives de Radio Panique. Et je me suis dit, ah mais tiens, ce bonhomme, il a l'air intéressant. Et puis, je le voyais aussi intervenir sur la liste de discussion de la CRAX, qui est donc la Fédération des Radios Libres en Belgique. Et je suis allée chez lui une fois. Il m'a dit que son grenier était rempli d'archives. Effectivement, c'est un archiviste assez incroyable. Et je lui ai demandé si ça le dérangeait pas de nous donner des archives. Et donc, il a tout de suite accepté. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voit ici dans les étagères. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a, par exemple, un classeur avec énormément d'archives de journaux, des coupures de journaux depuis 79-80. Et qui retrace comment les journaux officiels parlent des radios libres. Ça, c'est la partie journaux officiels, quoi. Mais justement, ce qui était intéressant, c'est de voir toutes les presses alternatives qui étaient faites autour des radios. Enfin, au début des radios, très souvent, elles mettaient en place des petits fanzines qu'elles essayaient d'alimenter. Enfin, et aussi pour expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui se passait dans la radio, les inviter à tel ou tel événement, les questions qui se posaient. Par exemple, ici, on a le radioteur. Et donc, c'était imprimé par Radio Campus Bruxelles. Et ici, on voit... Ben, là, c'est mars 93. Donc, 93. Il n'y a que des Français qui m'enregistrent. Et donc, ben, voilà. Donc, 93, c'était pas du tout au début de la radio. Mais très souvent, il y a eu des initiatives comme ça. Il y a aussi un autre fanzine qui est intéressant, c'est le fanzine MAM, qui a été justement mis en place par Guy Stukens. Et donc, il avait essayé, depuis le tout début des radios libres, de créer un réseau de radios. Pour lui, c'était très important de se fédérer. Et donc, il avait mis en place un réseau d'échanges culturels, donc c'était radiophonique. Donc, c'est autant des émissions, mais aussi beaucoup de musique, parce que c'est un fan de musique expérimentale, contemporaine, et donc ce qui passait le plus souvent sur ce genre de radio, en fait. Et donc, à l'époque, oui, c'était très compliqué, il fallait envoyer des cassettes, tout ça, c'était beaucoup moins pratique qu'aujourd'hui avec les serveurs FTP et tout ça. Mais donc, voilà, il avait mis ce réseau en place, et petit à petit, il y a eu plein de réseaux qui se sont formés, on peut le voir, hein, dans cette étagère, justement. Qui était beaucoup plus lié à une lutte vraiment des radiolibres. Enfin, il y a un réseau mondial qui s'est créé qui s'appelle La Marque. D'ailleurs, on peut voir ça sur les affiches. Elle a déjà fait des festivals. Par exemple, ici, La Marque 7, qui a été fait à Milan en 98. Ils invitent, c'est comment on va dire, une association mondiale qui invite toutes les radios qui sont associées à ce réseau. Et c'est l'occasion, je ne sais pas, j'y suis jamais allée, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, même des chercheurs, qui exposent un peu leur comment est-ce qu'ils voient l'évolution des radios. Du 14 au 29 avril 1984, quinzaine de la radiophonie internationale, CKRL, MF, alors MF c'est modulation en fréquence, 89.1 à Québec. Et donc pendant qu'on est devant ce mur d'affiches, donc c'est toutes les affiches que j'ai pu trouver, mais alors justement il n'y a pas que Guy Stukens qui a collaboré, il y a aussi d'autres radios comme 48 FM ou Radio Campus aussi, il y a des affiches de Radio Campus et de Radio Panique. Enfin, moi, ce que je trouvais très rigolo là-dedans, c'est de voir... je ne sais pas, par exemple, ici, il y avait vraiment... Il y a une affiche comme ça où c'est écrit en gros « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons ». Et ça, par exemple, ça a été édité par l'association du 22 mars, qui était une association anarchiste qui était basée ici à Bruxelles et qui était fort liée au journal alternatif libertaire au début. Et en fait, c'est là aussi qu'on se rend compte que ce journal était vraiment à la base des radios et que très souvent, il y a un journal qui est lié aux radios. Radio Panique est né d'un journal qui s'appelait Courrier 10-30. Et donc voilà, enfin, donc, et on voit toujours une filiation comme ça entre la presse écrite et la presse radiophonique. La liberté d'expression, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, quoi. Ici, on voit une affiche qui s'appelle Radioactivité. Radioactivité, tous les mardis à 19h, c'était une émission qui passait donc en 79-80, maintenant je ne sais plus, mais qui rassemblait des gens qui se mobilisaient contre le nucléaire, quoi. Enfin, c'était vraiment très lié au nucléaire. D'ailleurs, la première radio libre en Belgique, c'est Radio Au Noir, donc contre la construction d'un barrage, je ne sais plus où en Belgique, mais voilà, d'ailleurs, dans le film qu'on a vu aussi hier, sur Radio Lorraine, Cœur d'Acier, était aussi lié des questions syndicales, mais aussi des questions environnementales, antinucléaires et tout ça. Et alors, je parlais de Radioactivité qui émettait tous les mardis à 19h. Et en fait, toutes ces radios, en fait, c'était des émissions, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des émissions, mais en fait, elles émettaient avec le même émetteur qu'on peut voir dans la vitrine. Et donc, c'était un émetteur qui vient d'Italie, en fait, qui est arrivé d'Italie genre en 79-80, donc c'est vraiment la même époque. Et comme on peut voir, il est assez petit, mais à l'époque, il était vraiment très puissant. Et donc, les radiateurs, ils se le refilaient d'une émission à l'autre, quoi. Et... Dans toute la Wallonie. Oui, oui. Et alors, c'était vraiment... c'était Jungle Radio, quoi, vraiment... C'est assez drôle. Et donc voilà, heureusement qu'il n'était pas très lourd. En tout cas, celui-ci qu'on peut voir, là, il y a ces circuits imprimés apparents. Mais ça, c'était donc le premier émetteur de radio air libre qui est beaucoup plus lourd. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on trimballe facilement, quoi. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport au premier émetteur, là, le premier dont je vous parlais, en fait, il a une petite histoire. Donc il était utilisé par radio air libre... Et donc, très souvent, il y avait des descentes de flics qui venaient pour choper l'émetteur. Et une fois, les flics sont arrivés. Et en fait, l'émetteur, ils l'ont foutu dans la poubelle. Ils ont mis un vieil ampli à la place de l'émetteur. Et les flics sont partis avec le vieil ampli. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'histoire. Il y a d'ailleurs une coupure de journal juste à côté, là, pour expliquer ce qui s'est passé. La manif comme si vous y étiez. Radio Brol, émet pour la première fois sur 102 MHz FM. Écoutez-vous passer dans la rue ? Écoutez-vous passer dans la rue ? La voix des étudiants directement dans votre oreille. Écoutez Radio Brol. Donc voilà, on a mis aussi là dans la vitrine, en exposition, un Revox, voilà, donc un lecteur de bobine audio. Et donc, voilà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, ça marchait comme ça, la radio, c'était avec des bandes, il fallait couper la bande, la recoller. Enfin bon, c'est comme pour le cinéma aussi, hein, vous allez me dire. Et donc, mais c'est une époque complètement révolue aujourd'hui. Et de ce côté, en fait, on peut voir en vitrine, il y a une télévision sur laquelle... on peut voir le film de Marcel Hoffler qu'il a réalisé en 84 qui s'appelle « Il n'y a plus de rumba dans l'air ». Et donc, qui était vraiment un film, on va dire, un film tract pour appeler le politique à réagir par rapport à cette situation. Donc, la situation où il y avait les radios commerciales et les radios libres qui étaient considérées de la même manière par l'État, mais qui n'avaient pas dans la pratique les mêmes atouts, quoi. Évidemment, les radios commerciales émettaient plus fort que les radios libres et tout ça. Et donc, voilà, c'est un peu un film charnière, je dirais, dans l'histoire des radios libres en Belgique. Je décidais de l'affronter. Ça, c'est une petite BD. Alors ça, c'est un homme, je vais faire la voix de l'homme et après, je ferai la voix de la femme. Mais enfin, Pamela, je ne comprends pas. Vous ne sortez jamais, vous ne vous ennuyez pas seule dans cette chambre ? Au contraire, mon cher Peter. Et puis, je ne suis pas vraiment seule. J'écoute Radio Air Libre. Elle était encore plus belle que d'habitude. Il ne restait plus qu'une solution. Essayer de partager sa passion. Radio Air Libre. 104.1 FM. toutes ces radios qu'on voit sont toujours existantes ou Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, il y avait une ribambelle de radios. C'est vraiment impressionnant quand on regarde dans les archives. Je sais pas, il y en avait sur Bruxelles dans les années 80. Il y avait peut-être 35 radios libres, quoi. Même ça allait jusqu'à une centaine des moments. Alors, ce qui est rigolo quand on regarde le mur d'affiches, c'est que très souvent, les mêmes radios, elles n'arrêtent pas de changer de fréquence, quoi. Enfin, et c'était, à mon avis, pour les auditeurs, il fallait vraiment s'accrocher pour les suivre, hein, parce qu'à chaque fois, ils se faisaient bouffer leur fréquence par d'autres radios, donc ils allaient sur d'autres et tout ça. Enfin. Donc, par exemple, il y a deux affiches de Radio Air Libre, et puis à un moment, c'est Radio Air Libre 107.6, et puis, je ne sais pas, cinq ans après, c'est Radio Air Libre 105.5, soutenez Radio Air Libre, enfin bon. Donc, ça demandait encore plus de vigilance de la part des auditeurs, quoi. Et ça, c'était dû à quoi, le changement de fréquence ? Eh bien, c'était dû au fait que c'était la jungle des ondes, et donc la jungle des ondes, c'est celui qui émet le plus fort qui va se faire entendre, quoi. Enfin, c'est celui qui est le plus fort, qui bouffe les plus fragiles, les plus petits. Donc, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport au plan de fréquence ? Voilà, et que le plan de fréquence, il a mis 30 ans à aboutir en Belgique. Donc je vous passerai les détails législatifs sur pourquoi il a mis autant de temps à être passé. Mais donc voilà, c'est lié à une situation politique belge très particulière. Et donc voilà, tout ça aussi, pourquoi avoir mis toutes ces archives en place, c'était vraiment pour essayer de revenir à la base de ce qui avait fait naître les radios. Et aussi d'essayer d'aller au plus proche de cet imaginaire. Enfin, l'apparition d'un nouveau média a provoqué dans la prise de parole et dans la réflexion collective. Et, donc voilà, en espérant que ça puisse aussi alimenter nos imaginaires à nous dans la redéfinition des radios aujourd'hui. Voilà. Et toi, tu le vois comment, justement, l'imaginaire ? Ben, justement, c'est un imaginaire qu'on peut pas voir, parce qu'il s'arrête pas, quoi. Enfin, donc, il est toujours en mouvement, et donc c'est ça qui est intéressant, il est jamais figé, et c'est ce qui prouve qu'il vit, quoi. Et il se transforme avec les nouvelles personnes qui y rentrent, et donc c'est toujours important de se poser la question de l'ouverture de ces radios, pour la renouveler, pour apporter des choses, voilà. Pourquoi une radio des travailleurs ? Point d'interrogation. Dans les usines, sur les chantiers, dans les bureaux, trop souvent on entend des réflexions comme ceci. Je t'assure que ça, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, on l'a dit à la radio. Ou bien, c'est vrai parce que c'est écrit dans tel journal ou dans tel livre. En tenant des comptes pareils, en se limitant à écouter ce qu'on veut bien nous raconter, à voir ce qu'on veut bien nous montrer, petit à petit, on devient passif. On se laisse aller à croire à ce qu'ils veulent nous faire croire, on se laisse endormir. C'est ainsi qu'on se retrouve seul, honteux, avec sa carte de pointage en main, alors qu'on devrait être tous ensemble dans la rue, unis dans la lutte pour s'opposer au système capitaliste qui nous opprime tous les jours. Ça marque bien la position, hein. De plus en plus, il y a d'un côté ceux qui parlent, de l'autre côté ceux qui écoutent, c'est-à-dire nous, ceux qui ferment leur gueule en fait. Mais ceux qui parlent derrière les micros, ceux qui se montrent devant les caméras, même quand ils se disent sincèrement de notre côté, et ils ne le sont pas tous, s'ils parlent souvent des problèmes des travailleurs, jamais dans la pratique ils ne les vivent concrètement. Pourtant, ce sont eux qui font et qui défendent l'opinion publique. Il y a quelques années d'ici, pour se forger notre opinion, on allait discuter avec les camarades à la Maison du Peuple. Aujourd'hui, beaucoup de maisons du peuple sont fermées. Et puis, beaucoup de camarades restent chez eux à regarder la télévision. Pour essayer de changer un peu tout ça et pour que les travailleurs puissent directement s'informer eux-mêmes, d'une usine à l'autre, d'un chantier à l'autre, d'un bureau à l'autre, on a créé en octobre 1979 une radio des travailleurs liégeois. Et pour bien expliquer ce qu'on voulait faire, on l'a surnommée la radio « Faite par et pour les travailleurs ». Pour être encore plus clair, disons que la radio des travailleurs liégeois est une radio de classe. Espérons qu'elle le soit dans tous les sens du terme. L'État a bien sa propre radio. Les capitalistes et tous les marchands de savon ont aussi le leur. Alors pourquoi nous, travailleurs, ne pourrions-nous pas disposer en toute autonomie d'un moyen de communication moderne ? Ça date de 1979. Hein. Aujourd'hui, les travailleurs, c'est les chômeurs, les RMIs, les RSR en France. On peut dire qu'on peut remplacer travailleurs par précaires, tout simplement. Voire même travailleurs précaires. en se racontant et en s'expliquant à eux-mêmes les problèmes qu'ils vivent tous les jours dans les usines, dans leur quartier ou dans leur métier. Les travailleurs peuvent ainsi partager des expériences, s'apprendre des choses l'un à l'autre. C'est ça, la véritable éducation populaire. Oui, mais tout ça, c'est des grands mots et des belles intentions, pensez-vous. Peut-être, mais n'empêche que depuis plus d'un an, chaque semaine, les travailleurs liégeois peuvent écouter des émissions faites et diffusées par d'autres travailleurs liégeois. Pour que vous puissiez, par vous-même, vous faire une idée de ce qui se raconte et de ce qui se dit dans ces émissions, on a retranscrit textuellement dans ce petit bouquin le contenu de 12 émissions diffusées en 79 et en 80. Ce livre est donc un échantillon. Alors, à vous de juger. Si ce travail vous intéresse, alors participez. Faites aussi une émission de radio avec des copains de l'usine, du quartier, etc. Contactez-nous et écrivez-nous, mais surtout écoutez-nous. Ou plutôt, écoutez-vous. Et donc voilà, mais si je continue à regarder le mur, il y a une très grande affiche de la radio des Imaginaires du 14 au 29 avril 1984, quinzaine de la radiophonie internationale à Québec. Donc en fait, il y a eu énormément de relations entre les radios québécoises et la radio belge, en fait. Et les radios belges ont souvent invité des Québécois à venir, et donc ils faisaient carrément des nuits radiophoniques où ils se mettaient à lire un livre pendant toute une nuit, ils se relayaient, même des fois ça pouvait durer 3 jours. Enfin bon, ils expérimentaient comme ça, enfin je veux dire, c'est quelque chose qu'en tout cas ici à Bruxelles on voit assez rarement quand même. Donc voilà, il y a aussi, si on continue, il y a Radiophonique, Radiolab, qui sont des initiatives beaucoup plus récentes, je dirais depuis 2000. Et à chaque fois, ben, c'est des festivals qui essaient de remettre en question qu'est-ce que c'est que de faire de la radio, qu'est-ce que c'est que de la création radiophonique, autant au niveau du contenu, mais autant musical. Enfin, je veux dire, justement, la radio, c'est pas juste de la parole, mais c'est aussi un univers sonore. Le son, c'est une énergie, c'est une vibration. Et je veux dire, voilà, c'est un peu toutes ces questions à se poser. Enfin, mais donc il y a Radio Bruxelles aussi qu'on peut voir du 13 au 16 décembre 2001, donc ça fait 10 ans. Voilà, on aurait pu fêter les 10 ans de Radio Bruxelles. En fait, à l'époque, c'était pour les états généraux. Alors attendez, est-ce que vous pouvez m'aider le sommet de la CUN, en fait. Ouais, le sommet de l'Union européenne à la CUN. Et donc, il y a eu toute une mobilisation citoyenne, on va dire, pour contester contre ce sommet. Et donc, la radio a vraiment joué un rôle important là-dedans. Et on peut voir que les 4 radios bruxelloises se sont mises ensemble pour émettre la même chose sur toutes ces radios. Donc, le studio de cette radio était au cinéma Nova. Et donc, effectivement, on retourne un peu la... Enfin, on retourne la boucle, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. On repasse sur les mêmes lieux. C'est pas pour la même chose ici. Radioactivity ne se fait pas dans le sens d'une mobilisation citoyenne. En fait, il y a eu la radio No Border cette fois-ci, enfin, qui on peut dire que c'est un peu lié à ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait eu Radio No Border? C'est parce qu'il y a eu un sommet européen, pareil, à Bruxelles. Et donc voilà. En septembre 2010. Et pour l'occasion, on a créé Radio No Border, qui est en fait plus une initiative conjointe de Radio Panique et Radio Air Libre. Et on a mis en place un studio mobile sur les lieux du camp, donc à Tour et Taxi, un immense endroit désaffecté. Donc voilà. Mais Radioactivities arrive après. Et Radioactivities, c'est plus... l'envie de prendre du recul par rapport à ça, ne plus être dans le feu de l'action, parce que justement, quand on est toujours là en train de voir comment faire fonctionner la radio, on est pris dans des problématiques qui nous empêchent de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait de manière générale. Et en fait, c'était l'envie de sortir de cette urgence pour voir, à tête reposée, voir qu'est-ce qu'on fait de notre radio, quoi. Enfin. Apprenez facilement la radio avec Ardour, un logiciel libre de montage sonore. Yeah. Oui, ben sur cette affiche, on voit aussi, sur ce mur, on voit aussi des affiches qui invitent à venir à des ateliers radio de montage son en Ardour, donc qui est un logiciel libre de montage son. Donc effectivement, c'est pas le tout de parler ou de prendre du son. Enfin, il faut savoir aussi un peu faire du montage et, si on fait pas du direct. Et donc on fait des ateliers libres et gratuits pour faire du montage. Ouvert ah, oui, ouvert à tous. En tout cas, nous, on fait ça sur Saint-Jos, qui est la commune dans laquelle est située Radio Panique. Et donc, on invite même aussi les habitants à venir. Enfin, bon, on essaie de faire ça dans une grande salle, dans un EPN, comme on appelle ça, un espace public numérique. Et donc, voilà, on invite le plus de gens possible, évidemment. Radio Panique au Palais des Délices. À l'occasion de ses 25 ans, Radio Panique vous propose une émission en direct et en public. Le samedi 20 décembre 2008, de 14 à 18 heures au Palais des Délices. Place Saint-Jos. Au programme, trois tables rondes. Médias, j'aime pas des masses. Pratique autonome de l'information à Bruxelles. Non-stop ou encore 25 ans de Radio Panique. T'as pas un plan ? Enjeu du plan de fréquence. Le tout agrémenté d'archives rescapées et de sonorités libres. Et là, tu peux nous expliquer ce qu'il y a sur ce tableau noir ici ? Bah, le tableau noir, on a voulu faire un schéma de notre studio volant, comme on appelle ça. En fait, c'est un studio qui peut rentrer dans un sac à dos, en fait. C'était ça, le truc. Et donc, avec ce studio qui rentre dans un sac à dos, on a la possibilité de pouvoir émettre en direct sur l'antenne de Radio Panique. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire avec ce studio, c'était la portabilité, effectivement. Et là, donc il suffit d'avoir un petit ordinateur, une carte son, deux micros, un casque et une prise internet stable. et on peut avec ça faire une émission radio dans n'importe quelle cuisine, dans la rue. Enfin, l'idée était aussi de pouvoir suivre des manifs en temps direct ou des choses comme ça. Et donc la particularité de ce studio volant, portable, parce qu'il existe plein de studios portables, beaucoup de radios utilisent des studios portables en fait, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il marche avec des logiciels libres, ce qui permet d'être beaucoup plus... ce qui permet d'aller plus en profondeur dans les logiciels et de pouvoir les adapter vraiment à nos besoins, quoi. Et donc là, on voit sur ce tableau le schéma de la configuration que nous, on a fait pour Radio Panique, quoi. Je veux dire, après, l'idée, c'est effectivement de dire à tous les gens qui sont intéressés que voilà, enfin, que c'est assez simple et on veut que ça reste ouvert. C'est dans l'idée des logiciels libres de toujours publier ce qu'on fait et que d'autres puissent se le réapproprier. Après la visite d'exposition et une longue discussion à Bruxelles nous appartient, on est parti au Nova, où était projetée ce week-end-là une série de films autour de Radio Libre, de Radio de Lutte. T'as vu, regarde. Enfin, les journalistes à la FED, donc elle a... Guillaume, je suis bénévole au Nova depuis longtemps. Et donc pas depuis le début, hein, mais ça fait une... Ça existe depuis combien de temps, Nova ? Ça fait 13 ans que ça existe. Moi, je suis là depuis 8 ans. Et est-ce que tu peux, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout quel type de lieu c'est, comment tu définirais le Nova ? Donc on est dans le bar qu'on appelle le foyer. C'est-à-dire que c'est pas un bar... commercial qui est fait pour faire des sous, on en fait peut-être même pas assez. On essaye de vendre des produits locaux, genre on a que du jus de pomme flamand, qui est très bon. On a des bières artisanales, on en vend quelques-unes industrielles, les bières trappistes dont les Belges peuvent pas se passer, donc voilà, on les a quand même, puis elles sont pas mal. Dans le foyer, on a aussi quelquefois des concerts, il y a une expo en ce moment. Il y a souvent des expos d'ailleurs, il y a donc des concerts, des performances. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Que la salle, elle a une vraie histoire. C'est-à-dire qu'elle a ouvert il y a plus de 100 ans, c'était un théâtre. Ça a été un cabaret, ça a été un théâtre comique, ça a été plein de choses. Un palais du rire. Puis ça a été le studio Arambert, dans les années 70, 70. Un cinéma art-essai, plutôt pointu, je crois. Et qui a déménagé, qui s'appelle maintenant le cinéma Arambert, et qui est à côté dans les galeries là-bas, qui est devenu un cinéma d'art-essai classique. Et ensuite, ça a été un garde-meuble ici pendant longtemps. Et puis les gens, enfin plusieurs associations de cinéma sont regroupées pour ouvrir le Nova pendant un an, c'est pour ça que ça s'appelle le Nova, ça devait être comme une supernova, comme une étoile filante donc, qui va vite mais qui est intense et qui disparaît au bout d'un moment. Et finalement ça n'a pas disparu, on est resté. Alors on essaye de dire que c'est un lieu de cinéma vivant. On pourrait dire que c'est un lieu de cinéma alternatif, d'ailleurs on le dit des fois, mais c'est un mot assez connoté, alternatif, donc on essaye d'éviter, même si j'ai pas de problème avec ça. Mais ouais, on essaye d'expliquer que c'est un lieu vivant. C'est un lieu où tout le monde est bénévole. On a longtemps fonctionné avec des programmations thématiques. C'est-à-dire que pendant 4 semaines, enfin on est ouvert que du jeudi au dimanche, mais donc pendant 4 week-ends de suite, on passait des films sur un sujet qui peuvent être par exemple le cinéma documentaire indien contemporain, mais ça peut être aussi la prison, l'antipsychiatrie, enfin ça peut être des thématiques très différentes et prises sous des angles très différents selon qui travaille dessus. En ce moment on essaie de faire des programmes un peu plus longs qui agencent plusieurs modules ensemble, c'est-à-dire comme là par exemple il y a donc Radio Activities. Mais il y a aussi un module sur la novlangue. Il y a un film en sortie, donc Lola, de Brillante Mendoza, qui passe en ce moment. Il y aura une soirée free jazz en Allemagne de l'Est. Il y aura plein de choses assez différentes, mais qui se répondent un peu. Et la particularité du Nova, c'est qu'il n'y a pas vraiment de programmateur et de curateur attitré. On est une équipe, on travaille ensemble et on travaille aussi avec des gens de l'extérieur, comme c'est le cas là, pour Radio Activities. Enfin, le fait qu'on soit bénévole, c'est aussi pour éviter de s'enfermer dans un salariat où chacun aurait son poste. Et quand il part, plus personne ne sait comment on peut faire. Il y a aussi, donc là on est au bar, donc il y a un espace bar et il y a un petit espace librairie également, tu peux parler de ça. C'est ce qu'on appelle la micro-boutique, alors c'est ouvert juste quelques fois par programmation, genre 2-3 fois par mois. Et c'est, on accueille des œuvres d'art issues du DIY, donc du do-it-yourself, donc de l'autoproduction. Il y a des bandes dessinées, bien sûr, des fanzines, des CD, des vinyles, des objets bizarres et étranges, des poupées, peu importe, plein de choses. Ce qui les rassemble, c'est que souvent, les créateurs qui ont fait ça, c'est des gens qui sont passés par ici. C'est un peu ça l'idée. Et on organise aussi des fois des micro-evenings. Par exemple, on invite une revue indépendante ou un label qui vont déposer des choses dans la micro-boutique et qui en profitent pour présenter leurs films, leur musique au Nova. Vous faites régulièrement ce que vous appelez des plein open air. Tu peux nous parler de ça ? Ouais, alors ça c'est une fois par an. Le plein open air a même préexisté au Nova parce que les gens qui ont créé le Nova faisaient déjà des plein open air avant. L'idée du plein open air c'est d'attirer le regard des gens sur la ville d'une façon différente et surtout sur les problèmes qu'il y a dans la ville. C'est-à-dire, imaginons, on détruit un immeuble pour y construire un centre commercial. Avant que le centre commercial soit là, il y aura un terrain vague, donc on va aller mettre un écran de cinéma et passer un film en rapport. Si on reste dans l'exemple du centre commercial, et ben par exemple on va passer Zombie de Romero, où les zombies vont au centre commercial. On essaye de montrer des films qui décalent un peu les problèmes qu'il y a, mais on essaye aussi de passer des documentaires plus précis et plus pertinents des fois sur ces problèmes-là. Enfin, on essaie de combiner un peu tout ça. Il y a aussi des concerts et des balades surtout qui sont dans le quartier pour proposer aux gens un regard sur ce quartier-là et sur le, pas forcément le problème, mais le phénomène qui est en train de se passer dans ce quartier. Et d'essayer de rendre la ville lisible aux gens, quoi. Donc il y a, de toute façon, même le lieu du Nova lui-même, c'est aussi un manifeste urbain, de toute façon, il y a vraiment une envie de dire quelque chose sur la ville. Quand le Nova s'est implanté ici, c'est une rue où il n'y avait rien, et là, comme tu peux voir, elle commence à se gentrifier doucement, donc quel va être l'avenir d'une salle de cinéma alternative comme ça, dans une rue un peu branchouille, on va voir, mais justement, c'est plutôt intéressant. Oui, parce que c'est sûr que le quartier environnant, c'est un peu impressionnant. C'est des énormes buildings assez froids et puis une énorme zone commerciale. Bah ouais, et puis en même temps, on est juste à côté de la Grand Place, donc c'est... Enfin bon, c'est Bruxelles, quoi. Bruxelles, c'est le bordel, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un Nova qui a pu y trouver une niche. C'est aussi pour ça qu'en France, il n'y a pas de lieu équivalent. Il y a des lieux de cinéma passionnants, hein, mais il n'y a pas d'équivalent au Nova pour plein de raisons. Et c'est ça qui est assez chouette et qui fait du Nova un vrai lieu de Bruxelles, quoi. Donc on a la salle du Nova rien que pour nous. Ouais. Si c'est pas chouette. Ben, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'aspect programmation cinéma de tout cet événement Radioactivity, puisque c'est une articulation assez centrale de cet événement. On y a pensé tous les deux, chacun de notre côté, à faire une programmation cinéma sur la radio, sur les 30 ans de la radio. Moi, j'étais du côté de Radio Panique et Philippe du côté de Radio Campus. Et puis un jour, à Radio Panique, Pierre... qui est donc l'administrateur délégué de Radio Panique, me dit « Ah, mais tiens, j'étais à l'AG de Radio Campus hier et il y a Philippe qui voudrait faire une programmation cinéma sur la radio. » Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née cette programmation. Ouais, mais donc effectivement, c'est deux flux comme ça qui se sont rejoints pour donner ce que ça a donné. Et, puisque moi, je voulais au début... faire quelque chose à la Cinémathèque et du côté de Campus et Sophie du côté de Panique plutôt quelque chose au Nova et c'était assez vite, très très vite évident que c'était bête de faire deux choses séparées chacun de notre côté, donc dès qu'on s'est vu c'était l'idée de plutôt faire les deux, mais alors il fallait un peu réfléchir à quelle spécificité donner aux deux volets et par rapport à des films qu'on regardait, qu'on aimait bien, de quel côté on les mettait. Et donc, pour aller vite à la Cinémathèque, c'est plutôt une sorte de socle historique sur la radio en général, donc pas nécessairement la radio libre, et qui va des années 20, toute fin des années 20, à plus ou moins maintenant, mais essentiellement aux années 80. C'est beaucoup des films de fiction, et sans doute en partie parce que c'est des films de fiction, et dans les films de fiction, cette espèce de notion de personnage principal... souvent très à l'avant-plan, ben c'est plutôt le côté individuel qui prime dans les scénarios. Ça ne parle pas beaucoup de groupe ou de collectif. Et par contre, Nova, ben donc là, c'était plutôt les radios libres, donc des années mi-75 en Italie, années 80 jusqu'à aujourd'hui, et beaucoup de documentaires, plus ou moins l'inverse, en fait, de ce qu'il y a à la Cinémathèque. Et du coup... parce que c'est des radios libres, souvent, pas toujours, mais souvent, il y a quand même cet aspect collectif qui est assez présent. Et donc, en fonction de ça, quand on visionnait les films, il y a des moments où on dit « Ah, ça serait plutôt pour la Cinémathèque » ou « Ah, ça serait plutôt pour le Nova ». Maintenant, voilà, on a aussi fait cette programmation beaucoup à deux, ce qui n'était pas beaucoup. Par moment, on est arrivé un peu tard, par exemple, pour contacter la Cinémathèque. Et donc, on était déjà contents qu'ils acceptent de faire quelque chose. Et ils n'ont pas été chercher très, très loin des films rares. On leur avait présenté une liste de 40 films en se disant bien qu'ils ne les passeraient jamais tous les 40. Donc, au niveau du nombre de séances, c'était plutôt chouette ce qu'ils nous ont proposé. Mais ce n'est pas nécessairement les 15 films que nous, on aurait pris dans la liste de 40, quoi. Mais voilà, c'est aussi bien et je crois que ça touche un autre public plus généraliste. Et en fait, à la Cinémathèque, c'est un peu l'idée de cette continuation de la fascination pour la radio tout au long du XXe siècle, à des moments où on aurait pu croire que ce média juste sonore aurait pu péricliter parce qu'arrivaient des médias qui associaient le son et l'image. Donc d'abord le cinéma sonore dans les années 30, puis la télévision dans les années 50. Donc il s'est trouvé à chaque fois des gens un peu alarmistes pour dire « Ouh là là, ça va signifier la fin de la radio ». Et effectivement, la télévision a grignoté pas mal le public de la radio, mais elle est loin d'être morte, quoi. Elle a trouvé d'autres manières de se déployer. Dernière soirée de projection de film Radioactivity Zonova. Il restera encore déjà il reste un film après celui-ci à 9h ce soir dont je vous dirai deux mois après, et puis encore une dernière activité Radioactivity Zonova qui est samedi prochain le 11 décembre qui est le réflexe du Cyclope. C'est une fiction radiophonique en live donc avec des musiciens sur scène, des comédienne, mais quelque chose donc qui se rapproche du concert et du théâtre, mais qui essaye de rester radiophonique dans la manière dont le son est mixé, qui est très proche de toute cette tradition des dramatiques radiophoniques qui ont existé à la radio pendant des décennies. Donc vous avez organisé ça en plusieurs volets. Est-ce que en des grandes thématiques, est-ce que vous pourriez parler de ces thématiques et puis éventuellement faire ressortir à l'intérieur de chacune un ou deux films qui vous semblent particulièrement marquants? Eh bien, oui, il y a eu trois grands axes en tout cas à Nova. Il y a eu le premier axe, c'est les radios belges. Le deuxième, c'était les radios d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et le troisième, donc la dernière semaine, c'est les radios en lutte. Et il y en a certains sur lesquels je misais plus, et en fin de compte, c'est d'autres auxquels je ne pensais pas qui sont ressortis, je trouve. Et donc, par exemple, le film Radio Centrale, qui est passé le premier dimanche sur l'anniversaire, les 25 ans de Radio Centrale à Anvers. Et c'est un film assez marquant, quoi, quand on voit toute l'énergie déployée par cette radio et vraiment son aspect vraiment très artistique, revendiqué comme ça. Et voilà, et puis le film aussi Radio Plein Sud a été très apprécié aussi, qui est une petite radio rurale en Belgique et où il y a beaucoup de vieilles personnes, on va dire. Et voilà, et en fait, ça a beaucoup charmé tout le monde. Enfin, c'est. Oui, ça. On le prend bien à cœur. Enfin oui, vas-y, tu veux dire quelque chose. Oui, d'ailleurs, ces deux films étaient à la même séance, vu que l'un est un court-métrage d'une petite demi-heure et l'autre fait, est un long-métrage. Et donc, c'était une séance assez osée au niveau du collage, quoi, des deux films, parce que donc, l'un, c'est vraiment une radio qui passe limite de la variété, de la chanson française, mais qui louche vers la variété, une musette, etc., très rural et tout, et puis l'autre c'est plutôt une radio urbaine qui avec plein de styles musicaux complètement différents, mais qui flirte avec l'expérimental, l'improvisation, le noise et tout ça. Et mais malgré, enfin, je crois que y a rien à faire, c'est super différent. Et même les films même qui en parlent sont très différents. Plein Sud, c'est plus un documentaire assez classique, mais très très bien. Et Radio Centrale, c'est quasi un film de famille fait par des proches de la radio, pas vraiment dans l'optique d'une diffusion, quoi. C'est plus quelqu'un qui se trouvait là et qui est resté là et qui a filmé tout ce qui se passait pour cet anniversaire. Mais il y a une espèce de mini point commun, mais qui est au centre des deux films, c'est cette espèce de flamme, quoi, de fibre sacrée à faire de la radio et cette espèce d'enthousiasme et qui se marque de manière très différente, mais qui est quand même là très visible dans les deux films. Sur les radios d'Afrique et d'Amérique, vous pouvez parler d'un ou deux films ? Bien oui, il y a Agadez, Nomade FM, donc sur une petite radio au Niger, dans le désert. Eh bien, c'était un film qui a beaucoup plu aussi, en fin de compte, au niveau de l'humanité qui est déployée, enfin, qui est visible, palpable dans ce film, et de des gens qui fonctionnent, enfin, qui font fonctionner cette radio et tous les liens avec les auditeurs, justement. Enfin, ça, j'en ai parlé un peu plus tard, mais en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce rapport entre les auditeurs et la radio. On voit vraiment que c'est les auditeurs qui sont à la tête de la radio. Et j'ai trouvé, ouais, c'est presque qu'on aurait pu le mettre quasi dans Radio en Lutte. Mais à ce point-là, oui, ils font des grandes réunions au moins une fois par mois où les auditeurs, ils ont marqué sur un papier qu'est-ce qui n'allait pas dans telle émission, qu'est-ce qui a été dit. Enfin bon, et on voit vraiment que la radio est suivie, quoi. Et c'est vraiment un outil, et ça, c'est vraiment intéressant. Mettons que ce soir, on a deux films très différents, et dont le fil rouge pourrait être le lien entre la radio et une opposition à l'État, même si ces deux oppositions à l'État sont radicalement différentes, avec, on va en parler bientôt, la gauche italienne et Radio Città Futura dans les années 70, et puis en Arizona, une toute autre manière de s'opposer à l'État, qui est celle d'Américains qui en se basant sur la Constitution, veulent moins d'État, moins de réglementation, etc. Mais en faisant de la radio pirate. Et donc, il y a un aspect vraiment assez intéressant dans Making Waves sur ce lien entre cette espèce de galerie de portraits, pas toujours, enfin, des gens assez nuancés, pas toujours ultra sympathiques, mais voilà, avec des espèces de vrais personnages documentaires avec une épaisseur. Et des questions de réglementation et de techniques liées au partage de la bande FM, vu que la bande FM, c'est à la fois un marché, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut se partager, et c'est pas toujours facile. Et donc ça, c'est à 9h, et particulièrement pour les gens qui sont liés aux radios, je crois que c'est un film assez intéressant, mais tout à fait accessible aussi à des gens qui font pas de la radio depuis 20 ans. Mais donc maintenant, Memoria Perdere. Donc évidemment, quand on a travaillé sur cette programmation, en sachant que vraiment l'espèce d'avant-garde des radios libres, c'est l'Italie, au milieu des années 70. Là, en fait, les 30 ans des radios libres belges, 1980. Mais avec 5 ans d'avance, il y avait déjà un processus similaire, même s'il était d'une plus grande ampleur en Italie, qui existait. Et la manière dont ça va être lié à ce qui se passe plus tard dans le nord de l'Europe, c'est autour de deux axes. C'est de l'inspiration, une espèce de circulation d'idées, d'incitation à faire des radios. Mais même très matériellement, quasi toutes les radios libres belges qui sont apparues vers 79-80 se sont mis à émettre avec du matériel électronique, des émetteurs qui étaient importés d'Italie. Donc il y a vraiment une filiation comme ça. Et donc on a cherché des films sur les radios italiennes, en cherchant d'abord par rapport à une des radios les plus mythiques, Radio Alice à Bologne. Il y a plusieurs films, mais on n'était pas très convaincus par les films. Il y a une fiction, mais qui est un peu très romantisée comme ça. Le film ne nous a pas convaincus. Et puis, un peu en demandant à des amis italiens à Bologne, etc., s'ils connaissaient d'autres films, on est tombé sur le film de Donata, Memoria Perdere. Mémoire non consignée, c'est ça, comme les bouteilles. Voilà, on est très contents. Et Donata est là. Et donc, elle a préparé une petite présentation du film. Mm-hmm. Merci. Bonsoir. Donc, enfin, j'ai fait ce film parce que j'étais fâchée. J'étais fâchée avec la télé et les historiques officiels. L'histoire est l'histoire de la mémoire. Et malheureusement, le pouvoir contrôle également la mémoire de l'histoire. Et alors j'ai pensé qu'on avait encore besoin de faire de la contre-information, comme à l'époque, avec la radio. Parce que les armes de l'information d'État sont toujours des armes de distraction massive. Non, mais ça me fait penser évidemment à des choses qui sont pas immédiatement la programmation, mais qui sont pourquoi on a fait ce truc, qu'est-ce que ça nous a, comment ça nous a, je pense, fait réfléchir Sophie et moi en tant que programmateur, mais aussi en tant que personne qui faisons de la radio, quoi, de notre côté, tout ça, par rapport à ce 30e anniversaire. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à ma propre pratique de radio, qui est assez éloignée de, enfin, peut-être certains trucs qu'on voit dans Radio Centrale, mais en fait, l'émission que moi je fais, c'est une émission musicale assez variée et tout ça, et où on parle quand même pas mal sur la musique, à partir de la musique, mais c'est pas du tout une émission comme pas mal de celles qu'on a vues ce week-end, où on donne la parole aux gens et tout ça, une émission sociale ou quoi, mais malgré tout, même si ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'on a programmé, en tout cas, ça m'a pas mal fait... Enfin, de voir... L'idée, c'était de se dire, en s'éloignant dans l'espace, donc en allant en Afrique, en Amérique du Sud, ou en s'éloignant dans le temps, en allant voir comment c'était, via l'écran, via des films, comment c'était au début des années 80, à la fin des années 70, à d'autres périodes et tout, ben ça interroge notre propre rapport au fait de faire de la radio, pourquoi on le fait. Et aussi, et c'est là que ce que disait Sophie m'y faisait penser, c'est comment, au-delà de sa propre petite émission, comment on gère la radio dans les CA, les CE, les histoires de collectifs et tout ça. Et voilà, et donc je trouve c'est intéressant. Et ça, c'est peut-être la mini-déception. Enfin, c'est comme c'est toujours entre la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, mais c'est que, par exemple, dans la radio où je suis, il y a 140 bénévoles, 140 volontaires, et à mon avis, si sur tous les films, il y en a une vingtaine qui sont venus, ça doit être plus ou moins ça, quoi, les statistiques. Et donc, ça veut dire qu'il y en a 120 qui font de la radio toutes les semaines ou tous les mois et qui ne sont pas déplacés, quoi. Et bon, voilà, ils ont le droit, mais je crois que c'est quand même que, enfin, pour moi, le but de cette programmation, c'était aussi faire réfléchir les gens qui faisaient de la radio à d'autres manières d'en faire, à tu vois, un peu réimaginer ce qui est possible. Et... Ce qui était très frappant sur l'axe Radio en Lutte, qui est le seul que j'ai vu, c'est il y a notamment dans la programmation du film Radio Lorraine Cœur d'Acier, donc sur une radio de lutte dans les années 70, en Lorraine, à Longwy, et sur la Colifata, donc une radio à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique à Buenos Aires. C'était le caractère extrêmement collectif de la radio, où il y a plein de personnes qui participent à chaque émission. Il y en a trois derrière les micros, et puis il y en a 50 autour, ce qui est très frappant par rapport à notre pratique actuelle de la radio. Oui, bah c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est intéressant, parce que ça pose la question de l'espace dans lequel on fait la radio. Et par exemple, au tout début, quand on a commencé à émettre l'idée de faire cette programmation de films sur la radio, tout le monde disait, des films sur la radio, mais déjà, quelle idée, est-ce que ça existe? Puis filmer une radio, à quoi ça sert? Et donc, tout le monde trouvait ça vraiment bizarre, quoi, comme sujet. Et on nous disait, oui, mais il y a peut-être un autre moyen d'approcher le truc et tout. Et non, on est resté très prosaïque en gardant le nom radio. Et pas, justement, autre média libre. Parce que, justement, la radio, c'est un espace, c'est une technique très spécifique. Et donc, une manière de s'organiser autour d'un outil, une manière de prendre la parole. C'est très spécifique, ce média. Et aussi, donc, le fait de le faire dans un grand espace comme un cinéma Nova, où il y a une salle où on peut faire un peu la fête, on peut boire, on peut se rencontrer, il y a des chaises, il y a des tables, on peut s'asseoir et discuter. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas, nous, dans notre radio, à Radio Panique, par exemple. Tu vois, on a vraiment un tout petit espace. Et donc, on a rarement l'occasion de se rencontrer à plusieurs pour discuter. Et moi, je trouve ça hyper important. Et quelque part, cette programmation Radioactivity, c'était aussi ça, c'était aussi l'occasion de se rencontrer et d'aller aux origines de la radio en montrant des films, en activant un peu nos imaginaires par rapport à ça et voir qu'est-ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui, quoi, et comment ça s'était transformé, comment ça se passe ailleurs. C'est pour ça que je suis très content qu'il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel en France et qui sont venus, qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour participer à cette programmation et être présent, et ça, je trouve ça super. Je vais prendre ces splendides. Ah, flap, flap. Ouais. Ah oui. C'était Sophie de Radio Panique et Philippe de Radio Campus Bruxelles. Et avant ça, on a entendu Guillaume du Nova et les voix de Yéter de Radio Galère, de Joël, de FPP, de Marie-Pascale, Cédric et Guillaume de Radio Zinzine, de Clément qui revient de la Colifata. C'était une émission autour de l'événement Radio Activities qui célèbre à Bruxelles les 30 ans des radios libres. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site www.radioactivities.be qui non seulement restera en ligne après l'événement, mais entend devenir une base de données autour des radios libres. Si vous êtes marseillais, cette émission sera rediffusée samedi prochain à 1h sur le 88.4 de Radio Galère, et si vous êtes parigo, ce sera mercredi prochain à 10h sur le 106.3 de FPP. Et puis si vous habitez ailleurs dans le vaste monde, c'est sur www.intempestive.net. Et la prochaine intempestive, ce sera dans un mois, même fréquence, même horaire, avec Clément, justement, qui nous parlera de la radio La Colifata. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnu et recommandé.